إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On va donc voir dans l'assise de ce soir, Inch'Allah Ta'ala, la quatrième et dernière règle mentionnée par l'auteur, le Cheikh, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala, dans cet épître. Comme vous l'avez vu, il a apporté ces quatre règles dans lesquelles il a réfuté différentes ambiguïtés. Et dans cette quatrième règle, le Cheikh, rahimahullah Ta'ala, va nous exposer la gravité du polythéisme pratiqué par les contemporains, qui dépasse sur certains points le polythéisme des anciens. Il a donc dit, rahimahullah ta'ala, Al-qa'idatu al-rabi'a, anna mushriki zamanina, aghladhu shirkan min al-awwalin, li'anna al-awwalin yushrikuna fi al-rakha, wa yukhlisuna fi shidda, wa mushriku zamanina, shirkuhum da'im, fi al-rakha wa shidda. Il dit, rahimahullah, la quatrième règle est que l'association des polythéistes de notre époque est pire que celle des premiers. En effet, les premiers polythéistes associés dans l'aisance et voués un culte sincère à Allah lors de la difficulté. Quant aux polythéistes de notre époque, leur association est permanente dans l'aisance tout comme dans la difficulté. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous explique dans cette règle que les polythéistes de notre époque ont dépassé les premiers polythéistes en termes d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Leur association à Allah est plus grave que celle des polythéistes vers lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son noble livre que les premiers polythéistes lui vouaient un culte exclusif lorsqu'ils étaient en difficulté. Et ils n'invoquaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, car ils savaient que nul ne pouvait leur porter secours lors des difficultés et des épreuves, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 67 de Surat al-Isra, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, lui vouant le culte exclusivement. C'est-à-dire en invoquant Allah seul, sans aucun associé. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Puis lorsqu'il les sauve en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents, c'est-à-dire à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous a prouvé cela, lui, en mentionnant le verset 65 de Surat al-Ankabut. Il a dit rahimahullah, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Donc, les premiers polythéistes, ils donnaient des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils étaient dans l'aisance. Ils invoquaient leurs statues, ils invoquaient des pierres, ils invoquaient des arbres, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'ils étaient dans une difficulté et qu'ils voyaient le danger s'approcher, alors ils n'invoquaient ni statue, ni arbre, ni pierre, ni personne d'autre parmi les créatures, mais ils n'invoquaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans aucun associé, car ils savaient que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait les sortir de leurs difficultés. Donc comment invoqueraient-ils autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils avaient la ferme conviction que seul lui est capable de les sauver de ces difficultés. Malgré cela, ils lui donnaient des associés une fois qu'ils se retrouvaient dans l'aisance. Une fois que la difficulté se dissipait, ils retombaient dans le polythéisme et donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, les polythéistes de l'époque de l'auteur, rahimahullah, et de notre époque également, ceux qui sont tombés dans le shirk parmi les gens qui s'affilient à l'islam, alors leur polythéisme est permanent, qu'ils soient dans la difficulté ou qu'ils soient dans l'aisance. Lorsqu'ils sont dans la difficulté, ils n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus la situation devient difficile pour eux, plus leur polythéisme augmente et s'aggrave. Lorsqu'ils sont en difficulté, tu les vois s'empresser d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Al-Hassan, ou Al-Hussein, Abd al-Qadir et autres parmi ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une chose connue de leur part. Et on évoque même des choses très surprenantes à leur sujet lorsqu'ils sont en mer. Lorsqu'ils se retrouvent en difficulté, tu les vois s'empresser d'invoquer en mentionnant le nom de leur saint ou le nom de vertueux ou autre parmi ceux de qui ils implorent le secours en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, car les prédicateurs de l'égarement, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent, nous, quand vous êtes en difficulté, nous pouvons vous sauver. Donc lorsqu'un mal vous atteint, invoquez-nous et nous viendrons vous sauver. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est rapporté de nombreux gourous, de confréries soufis. Nombreux parmi eux disent cela à leurs suiveurs. Lorsque tu te retrouves en difficulté, invoque-moi et je viendrai te sauver. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver d'un polythéisme aussi évident. Comment peuvent-ils penser qu'un être humain faible comme eux peut répondre à leur appel et venir les sauver lorsqu'ils sont en difficulté? Certains dans leurs écoles, parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce du repentir, nous ont rapporté que leur gourou leur disait, chaque soir, avant de te coucher, mets-toi à genoux et adresse-moi tes demandes. Et tous les élèves de cette école soufie faisaient ça chaque soir. Le musulman, lorsqu'il se rend dans son lit, qu'est-ce qu'il fait? Il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait du rappel d'Allah, il récite ayat al-kursi, et il évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il invoque en lui demandant de lui préserver. Eux, qu'est-ce qu'ils leur enseignent? Avant de dormir, mets-toi à genoux et adresse-moi tes demandes et je répondrai à tes demandes. Na'udhu billah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de guider ceux qui se sont égarés et qui sont tombés dans les pièges de ces confréries soufis. Donc, leur polythéisme à ces gens-là, il est permanent, qu'ils soient dans l'aisance ou dans la difficulté. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a dit, ils sont pires que les premiers polythéistes. Car les premiers polythéistes, quand on a vu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils se retrouvaient en mer, qu'ils avaient peur que le bateau chavire, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se tournaient vers Allah, car ils savaient que leurs statues, leurs arbres, leurs pierres, ne pouvaient rien faire pour eux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait les sauver. Alors que ceux de notre époque, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent dans une voiture, la voiture commence à perdre la route, ils invoquent immédiatement autre qu'Allah. Ou Al-Hassan, ou Al-Hussein, ou Abd al-Qadir, ou autres parmi ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, l'auteur, rahimahullah, il a mentionné dans un autre de ses livres, qui est le livre Kashf al-Shubuhat, que les polythéistes de notre époque sont pires d'un autre point de vue. Il dit, rahimahullah, car les premiers polythéistes, ils adoraient des gens pieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens vertueux, parmi les anges, les prophètes ou les saints. Quant à ceux de notre époque, ils vouent leur adoration à des gens qui comptent parmi les plus pervers et les plus corrompus des gens. Et ils reconnaissent cela. Ils adorent des gens qui ne font pas la prière, qui ne jeûnent pas, qui ne se préservent pas des diverses formes de turpitude et de perversité. Car selon leurs prétentions, les gourous des confréries soufis, ils n'ont plus aucune charge. ils n'ont plus aucune responsabilité, ni ordre ni interdit. Il n'y a pour eux ni licite ni illicite, car ils ont atteint la certitude. Ils n'ont plus à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que la législation, elle est réservée aux gens du commun. Donc, les gens savent que leur gourou ne prie pas. Ils les voient ne pas accomplir la prière. Ils les voient manger pendant le mois de Ramadan. Ils les voient accomplir diverses turpitudes. Et malgré cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils se frottent à eux recherchant la baraka. Ils les invoquent en dehors d'Allah. Ils implorent leur secours en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils leur vouent le culte en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils comptent parmi les plus pervers des gens. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc l'auteur, rahimahullah, dans cette règle, il nous a montré une preuve que les polythéistes contemporains sont pires et que leur association est plus grave que celle des premiers polythéistes, ceux vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et il a mentionné ce point-là, le fait que les premiers ne donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'ils étaient dans l'aisance. Alors que les polythéistes contemporains, ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala aussi bien dans l'aisance que dans la difficulté. Également, certains savants ont mentionné, parmi les points montrant que l'association des polythéistes contemporains est pire que celle des polythéistes anciens, il y a le fait que les anciens, lorsqu'ils voulaient jurer et prêter un serment, ils juraient par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 38 de Surat al-Nahl, relatant le serment des polythéistes, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. Et ils jurent par Allah, en prononçant leur serment les plus solennels, Allah ne ressuscitera pas celui qui meurt. Donc on voit qu'ils juraient par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les polythéistes contemporains, ceux de notre époque, lorsqu'ils veulent prêter des serments solennels, qu'est-ce qu'ils font? Ils jurent par leurs saints. Ils jurent par ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même, tu verras qu'ils n'ont pas de difficulté à mentir en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, tu ne les verras pas mentir en jurant par ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. On rapporte même qu'à une certaine époque, dans certains tribunaux, dans des endroits où le soufisme était très répandu, lorsque le juge demandait de jurer et qu'il voulait s'assurer que la personne dit la vérité, ils lui demandaient de jurer par leur saint, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils savaient que s'ils juraient par Allah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mentaient sans difficulté, sans aucune crainte d'Allah. Cela ne dérange pas de jurer par Allah et de mentir. Par contre, si tu lui demandes de jurer par Al-Hassan, ou Al-Hussein, ou Abdel Qadir Al-Jailani, ou autre parmi ceux qu'ils adorent, alors il ne peut pas mentir. Et il dit la vérité par quoi? Car il voue une crainte révérentielle envers ce saint, envers cet homme vertueux, ou autre parmi ceux qu'ils adorent, comme les gourous des confrères Sophie et autres. Ces différents points nous montrent que les polythéistes de notre époque sont tombés dans le shirk de manière plus grave que les polythéistes anciens. Cependant, le jugement reste le même. Ils sont tous polythéistes. Mais le cheikh, rahimahullah ta'ala, pourquoi il a appuyé sur ce point? Car il y a des gens aujourd'hui qui viennent et qui disent « Ces gens-là accomplissent la prière, ils jeûnent le mois de Ramadan, ils donnent la zakat, ils font le pèlerinage, ils disent la ilaha illallah. Comment pouvez-vous dire qu'ils ne sont pas musulmans ?» La réponse est qu'ils ne sont pas musulmans car ils ont commis le plus grave des péchés. Ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ils ne vouent pas le culte exclusif à Allah. Ils disent la ilaha illallah, mais ils ne connaissent pas son sens et ne le mettent pas en pratique. Ils disent la ilaha illallah, mais s'y opposent matin et soir en se frottant au tombeau, en allant accomplir des sacrifices pour les morts, en invoquant les saints et les vertueux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses rendent vaines l'ensemble des œuvres qu'ils accomplissent, comme on l'a vu dans les premiers cours. Car lorsque le shirk se joint à l'adoration, alors l'adoration est annulée. L'ensemble des œuvres sont vaines. Celui qui accomplit du shirk majeur, du polythéisme majeur, alors il sort de l'islam et l'ensemble de ses œuvres sont rendues vaines. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc c'est comme si le cheikh, rahimahullah, avait voulu répondre à ces gens en leur disant, malgré qu'ils disent la ilaha illallah, malgré qu'ils prient et qu'ils accomplissent certaines adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le polythéisme dans lequel ils sont tombés. Et il est encore plus grave que le polythéisme des anciens, ceux vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Donc, étant donné qu'ils accomplissent ce polythéisme et qu'ils sont tombés dans le shirk d'une manière même plus grave, alors il n'y a pas de différence entre eux et le premier en termes de jugement. C'est-à-dire qu'ils sont tous polythéistes, mécréants. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ceci est donc un résumé des différents points que l'on peut tirer de cette règle. Et on a terminé par la grâce d'Allah cette courte épître de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, qui est courte en termes de mots, mais très riche en bénéfices, comme vous avez pu l'entendre, et on ne l'a traité que de manière résumée. Et il y a encore beaucoup de points que l'on pourra aborder sur les différents sujets que le Cheikh rahimahullahu ta'ala a abordés, mais peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera l'occasion de les aborder lors de l'étude d'autres épîtres, comme les annulatifs de l'islam ou encore le livre de l'unicité, Inch'Allah ta'ala. Ce qui était juste ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les manquements et les erreurs proviennent de moi et de Shaytan, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.